Moi, à matin, c'est vrai ce que je te dis, là. Le parti qui va me dire qu'il va pénaliser les BS aptes au travail après, je sais pas moi, 3 ans, 4 ans, on peut jaser du nombre d'années, là. Mais après un nombre X d'années, pénalité sur le chèque de BS, ça, là, le parti qui me parlerait de ça, là, je pourrais voter pour lui, là. Le parti qui me dit, les BS ne pourront plus s'acheter de l'alcool, ne pourront plus s'acheter de loterie, comme à New York ils font, là, comme ça se fait à d'autres endroits, là. Fini la loterie, là, pour les BS, là. Ça, c'est, regarde, ce parti-là qui m'arriverait avec une idée comme ça, il y aurait mon vote pratiquement garanti automatiquement. Puis enlevez-vous dans l'idée que c'est une punition. C'est le meilleur service qu'on peut rendre à quelqu'un qui a deux bras, deux jambes, sa tête et qui ne travaille pas depuis plusieurs années. Puis je fais pas de farce quand je vous parle de mon été, là. Mais je suis payé un mois de vacances. Je suis chanceux à maudit, j'ai réussi à faire ça, j'ai économisé. J'ai pas voyagé, mais je suis payé un mois de vacances. Bon, c'est ça. Après 2 mois, là... à rien faire, là. Sais-tu que t'en trouves des défaites pour pas passer ta tondeuse? Sais-tu que tu t'en trouves des défaites pour pas passer la balayeuse? Sais-tu que tu t'en trouves des défaites pour regarder l'heure et dire, oh, 10h30, pas trop de bonheur pour une petite bière, j'ai rien à faire aujourd'hui. Ben, on devient comme ça. C'est pas mal, c'est fait. L'humain est fait de même. L'animal est fait de même. Arrête de faire marcher puis de faire courir un chien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer de manger. Il va venir gros. La vie est faite comme ça. Quand ça fait 5 ans que tu te trouves toutes les défaites du monde pour ne pas aller travailler, t'es-tu dur à ramener du bon bord? Probablement que la personne que tu vas couper son chèque de BS après 5 ans ou que tu vas l'empêcher de s'acheter la loterie puis la boisson, au début, il sera pas content. Ben il va chialer. Il va peut-être même se lever pour aller à une manif à un moment donné. Imagine-toi l'effort. Mais dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, cette personne-là pourrait très bien revenir puis dire... merci. Exact. C'est le meilleur service qu'on m'a rendu en tant qu'être humain de me rappeler que la vie, c'était de se lever puis d'aller travailler. Ça règle pas tout, là. C'est un problème parmi tant d'autres, les BS. Mais ça ferait partie, tu sais, un gouvernement qui proposerait ça, ça me dirait, voici un gouvernement qui veut prendre ses responsabilités. Ça règle pas tout, là, parce qu'il y en a d'autres problèmes reliés aux finances publiques, là. Il y en a un paquet d'autres. Il y en a une trollée d'autres problèmes. Mais un gouvernement qui ferait une sortie de ce genre-là, me dirait, voici un gouvernement qui veut prendre ses responsabilités puis que c'est vrai qu'ils veulent changer les choses au Québec. La culture de l'effort et la culture du travail. Mais gars, on reste prudent, puis c'est les incitatifs, puis on veut pas faire de peine à personne. Il y a pas un politicien actif qui va avoir le courage de tenir ce discours-là. Tu vas en avoir qui vont être des anciens politiciens qui vont parler de culture du travail, puis d'avoir de vrais incitatifs pour amener les gens. Mais des politiciens actifs, il reste 2 semaines de campagne électorale. Garde tes engagements-là, là, je te le dis tout de suite, t'es entendras pas à soir à Pierre Bruneau, tu t'es entendras pas dans 2 semaines non plus. J'ai hâte de reparler à Raymond Bachand quand il sera plus ministre. Comme à chaque fois qu'on parle avec des anciens ministres. Oui, t'es vrai, t'as raison. Là, il va nous dire que les BS faudrait mettre au pot, faudrait travailler plus. Il va dire, écoutez, messieurs Landry, messieurs Gravel, on peut pas faire ça. Ce serait pas accepté. Exactement. D'ailleurs, dans notre formation qu'on a eue vendredi puis jeudi passé, t'as-tu remarqué le nom? Il y a un conférencier qui est venu nous parler du nombre d'organismes communautaires sur l'île de Montréal. Oui. Qui défendent les intérêts de telle ou telle minorité. Oui. Il y en avait combien? À peu près 1200 organismes communautaires juste sur l'île de Montréal qui défendent les besoins de telle ou telle minorité, les assistés sociaux puis telle sorte de personnes. C'est intéressant ça. C'était très intéressant et c'est pour ça qu'il y a rien qui change au Québec. Que ce soit en matière d'aide sociale, que ce soit en matière de n'importe quoi, il y a 1200 organismes communautaires sur l'île de Montréal. Ça n'a pas tout rentré par une oreille puis sorti par l'autre ce qu'ils nous ont dit dans notre formation jeudi et vendredi, notre congrès Radio X.